je t'attends pour dîner devant une mer noire qui ne pense qu'à clamer. Tout seul et sans repère, je ne pense qu'à toi, perdu dans l'atmosphère qui est bien trop éphémère. Dans la fumée des Indiens, je vois des poussières qui s'estompent comme mes songes, comme mes songes. C'est la fumée des Indiens. Dans la fumée des Indiens, je vois des poussières qui s'estompent comme mes songes, comme mes songes. C'est la fumée des Indiens. Des Indiens. Je pense au bon moment vécu quand je t'ai connu. Nous n'étions pas très sobres, mais je t'ai reconnu. Tu étais pur et idyllique dans un monde ironique. Tu étais triste et belle, mais mes sentiments m'ont pris de panique. Dans la fumée des Indiens, je vois des poussières qui s'estompent comme mes songes, comme mes songes. C'est la fumée des Indiens. Dans la fumée des Indiens, je vois des poussières qui s'estompent comme mes songes. C'est la fumée des Indiens. Des Indiens. Des Indiens. Dans la fumée.